Lettre 20e, Larissa à Giunia Marcella, Edesse, juin 301. J'ai été mise, ma chère Giunia, à une bien rude épreuve. Convaincue que Dieu me l'envoie, je n'ose me plaindre. Dois-je méconnaître son intention paternelle? Il veut que je souffre. Il veut m'imposer des devoirs. Dois-je en demander la raison? Il le veut, cela me suffit. Je dois supporter tout tranquillement, combattre, agir comme ma conscience me le dicte. Certainement Dieu ne m'abandonnera pas. Il soutiendra mon courage. Il me fera sortir victorieuse. Et si l'épreuve est au-dessus de mes forces, si elle doit me coûter la vie, ah, qu'elle sera bienvenue l'heure fortunée qui me délivrera des peines de cette vie et m'ouvrira les portes du séjour où il sera permis d'aimer, où je serai réuni un jour avec ce que j'ai toujours aimé. Comme je te l'apprenais lorsque je t'écrivis, j'avais pris la résolution d'éviter autant qu'il me serait possible celui que je n'ose plus voir et que je ne puis oublier. Je t'informe pendant 6 jours. Le matin du 7e, le fidèle Anicetas, ancien serviteur de mon père et qui m'a suivi, entra chez moi et me remit une lettre. J'hésitais quelque temps à la recevoir. J'avais reconnu sur l'adresse l'écriture d'Agathoclès. Cette écriture que je voyais avec tant de plaisir au fond de ma corbeille m'était trop bien connue. Je tremblais, et encore une fois je demandais à ma conscience si je pouvais prendre une lettre qui m'était adressée par lui. Mais la conviction du chagrin mortel qu'Agathoclès éprouverait si je la renvoyais, peut-être aussi le désir ardent de savoir ce qu'elle contenait, l'emportèrent. Je la reçus, je m'enfermai dans ma chambre la plus reculée, je lus, et j'eus la douce certitude de voir que j'étais encore aimé. Ah, Giunia, laisse-moi jouir de ce bonheur, le plus grand de tous ceux qui nous sont accordés. Être aimé de celui que je chéris depuis mon enfance serait une félicité parfaite. Si je n'y joignais la cruelle idée que ce sentiment le rend malheureux, il se flatte d'espérances illusoires qui le rendront plus malheureux encore quand il sera obligé d'y renoncer. Oh, ma Giunia, quelle lettre! Il finit en me disant que si je ne partage plus son amour et ses projets, il veut s'éloigner de moi pour jamais. Puis-je le partager? Moi, la femme d'un autre, moi, déjà trop coupable par mes sentiments secrets, moi, qui sens au fond de mon cœur une flamme que ni le temps ni l'absence ni mes efforts ne pourront éteindre. Oh, Giunia, Giunia, je suis tombé dans un abîme profond. Je me perds chaque jour davantage. Je me reconnais coupable. Et cependant, je manque de force pour me vaincre. Vertueuse Giunia, viens à mon secours. Sois encore et pour toujours mon égide. Je ne veux rien te cacher. Tu liras dans mon faible cœur. Tu l'aideras à triompher d'un sentiment condamnable, ou du moins à le soumettre à mes devoirs. Mais puis-je être coupable, Giunia, en adorant la vertu même sous les traits de cet ami de mon enfance que j'aime depuis que j'ai senti battre mon cœur? Tu le vois, mes pensées s'égarent. Je ne sais ce que je dis. Je vais imposer silence à ce cœur rebelle et continuer mon récit. Lorsque j'eus la lettre d'Agathoclès, je sentis la nécessité de lui répondre. Mais que lui dire? Que lui répondre? L'épouse de Démétrius ou l'ami d'Agathoclès? Je ne veux ni flatter ses espérances, ni le laisser pénétrer dans mon cœur. Je veux moi encore déchirer le sien. N'est-il pas déjà assez malheureux? Je pris et je posai 100 fois la plume avant de pouvoir tracer un mot. Mais lorsque j'eus commencé à raconter à mon ami tout ce qui m'était arrivé depuis notre séparation, je ne pouvais ni m'arrêter ni finir. Lis, mon ami, la copie de ma longue lettre, écrite 2 jours après avoir reçu la sienne. Tu y trouveras bien des traces de mes larmes. Je ne sais si je m'abuse, mais il me paraît qu'elle est ce qu'elle devrait être. Elle lui prouve à la fois et mon amitié et l'impossibilité d'un changement quelconque dans notre sort. Je lui fais sentir avec force nos devoirs réciproques. Je l'invite au sacrifice pénible que la vertu demande de nous, à la résignation, dont sa malheureuse Larissa a tout autant besoin que lui. J'ai fait ce que j'ai pu pour le convaincre que Démétrius me rend heureuse. Mon devoir m'obligeait de parler ainsi, mais j'ai bien peur d'y avoir été entraîné plutôt par le désir de lui épargner une peine de plus. Cela n'est pas bien, Giunia. Mes devoirs devraient être au premier rang, mais hélas, j'aime avec passion. Depuis que je connais mon cœur, je n'y ai vu d'autre image. Je n'ai aimé que lui seul au monde. J'ai mille fois fait le serment de l'aimer toujours. Mon existence lui appartient tout entière. Et je suis la femme d'un autre. Idée terrible. Que dois-je faire, Junia? Qui m'aidera à me préserver de moi-même? Le soir du même jour. Je n'ai pu continuer ce matin à t'écrire. Mon esprit était trop agité. Depuis, une occupation soutenue et la prière ont calmé mon âme. Je poursuis ma narration. Le lendemain du jour où j'avais répondu à Agathoclès, où j'espérais et craignais tout à la fois qu'il n'exécutât son projet de s'éloigner, Démétrius vint m'annoncer qu'il avait invité mon compatriote et mon ami à manger avec nous. Le peu d'attention qu'il donne ordinairement à ceux qui l'entourent, et surtout à moi, fut cette fois un bonheur. Il ne vit point l'effroi que me causait cette nouvelle. J'eus le temps de me remettre et de me croire assez bien préparé, lorsqu'après une couple d'heures, Démétrius entra dans la salle à manger, tenant par la main Agathoclès. Hélas, je m'étais fait illusion. À la vue de l'objet de tant d'amour, de tant de peine, je faillis perdre connaissance, et je fus incapable de prononcer une parole. Son calme, son sang-froid me fit rougir. Il s'approcha de moi avec la politesse amicale qu'on témoigne à une ancienne connaissance. Démétrius parut satisfait de notre rencontre. Il parla plus qu'à l'ordinaire. Le repas servi, nous nous plaçâmes autour de la table. Agathoclès montra un tel empire sur lui-même que je pus enfin revenir de mon émotion et prendre part à l'entretien. « Oh, Junia, c'est l'âme d'un héros. Cette âme m'appartenait tout entière. J'ai pu la perdre pour jamais. » Il est probable que je verrai souvent Agathoclès. Il ne parla point de son projet de départ, et pour rien au monde je n'aurais voulu l'interroger là-dessus. Démétrius, sous son apparence dure et sévère, sait apprécier le mérite. Il distingue Agathoclès de tous les officiers, et donne à son zèle et à son courage des louanges continuelles. Il est à présent du petit nombre de ceux qui l'admettent dans son intimité. Voilà, ma chère Junia, ce que j'appelle avec raison la plus cruelle des épreuves. Je voudrais, je t'en fais le serment, employer toutes les forces de mon âme à me tranquilliser, à me ramener insensiblement dans la voie du devoir. Mais le voir sans cesse, non, Junia. Je ne le puis sans plus m'exposer à un danger dont je frémis. Comment, sans le redouter, entendre ses louanges? Le son de sa voix me pénétrait toujours de plus en plus de cette noblesse d'âme qui se peint dans chaque mot qu'il prononce et se grave au fond de mon cœur. Il est résigné, lui, bien plus que je ne puis l'être. Ah, que les femmes sont malheureuses. Tous les livres au penchant qu'elles doivent combattre, et tout en distrait les hommes. Au milieu des combats, du bruit des armes, de la poursuite de la gloire, de mille occupations multipliées, il leur est facile de faire taire les passions et de ne laisser aucun pouvoir à leur imagination. Mais nous, renfermés avec notre ennemi secret, sans cesse présent à nous sous les formes les plus séduisantes, que nous reste-t-il donc pour le fuir ou l'éviter? L'entretien insipide des esclaves dont nous sommes entourés, des occupations plus insipides encore, le fuseau, l'aiguille, la navette, peuvent-ils arrêter la pensée? Empêcheront-ils mille impressions douloureuses de torturer notre âme. La lecture, la prière ne sont pas même suffisantes. Au milieu d'exercices religieux ou de pensées sublimes, nées de quelques livres intéressants, l'esprit en désordre s'envole et rejoint l'objet qui nous paraît encore et plus noble et plus beau. Quelques jours plus tard. Que n'ai-je ici comme apamé, une amie, un conseil tel que toi a été au fond? Tu me soutiendrais, Junia, et l'esprit divin du saint homme parviendrait à détacher le mien de l'objet qu'il occupe sans cesse, de cet objet qui me rend si coupable. Je retrouverai avec vous la force de remplir mes devoirs et la tranquillité qui me fuit. Junia, Junia, prie au moins pour ta pauvre Larissa livrée à elle-même, à son ennemi, privée de tout secours étranger. L'espoir que j'avais du départ d'Agathoclès est évanoui. Le penchant de Démétrius pour lui s'augmente chaque jour. Il lui a donné toute sa confiance pour des opérations militaires qui l'obligent à rester ici. Je me flattais que mon époux ne voudrait pas me laisser exposer au hasard de la guerre et qu'il ordonnerait mon éloignement. Je suis encore trompé dans cette attente. Les hostilités sont commencées. Nos troupes se sont avancées. Déjà des rencontres ont eu lieu. Déjà le sang de Démétrius et celui d'Agathoclès ont coulé. Tu comprends que ce sont des blessures bien légères, puisque je ne t'en ai pas parlé d'abord, mais c'est assez pour m'inquiéter mortellement, et sur leur danger, et sur ma situation. Démétrius, loin de penser à m'éloigner de lui et du théâtre de la guerre, paraît désirer que j'en sois assez près pour le soigner s'il était blessé. Hier, une scène bien pénible à soutenir me prouva combien je suis exposé à me trahir. Démétrius revint avec Agathoclès d'un combat où l'un et l'autre avaient été légèrement blessés. Je me présentais pour les panser. Tu n'exigeras pas de moi de te peindre l'excès de mon saisissement. Démétrius était blessé à la jambe, Agathoclès à la main. Je m'avançai vers celui sans savoir ce que je faisais. Je saisis cette main ensanglantée et mes yeux se remplirent de larmes. Lui-même était vivement ému. Cette main que je tenais tremblait dans les miennes. Son regard était si tendre, si expressif. Je ne pus le soutenir. Je tremblais et fus contrainte de m'asseoir. Démétrius, croyant que la vue du sang produisait cet effet sur moi, me gronda. Larissa, me dit-il avec humeur, quelle est cette faiblesse? Apprends à te surmonter. La femme d'un soldat doit être familiarisée avec les blessures. Viens panser la mienne. Je me levai et me mis à genoux devant le siège où il était assis. Je ne sais comment je fis pour réussir dans cette opération. Il loua beaucoup mon intelligence et me dit d'aller soigner Agathoclès. Je le cherchai des yeux. Je le vis appuyé sur la fenêtre, la tête dans ses mains. « Tu souffres, » lui dis-je doucement. « Donne-moi ta main. » Il se retourna de mon côté. « Ah, Jonia, non, je ne me suis point trompé. » Des larmes coulaient des yeux du guerrier. Je ne pus alors retenir les miennes. « Viens, » lui dis-je, dès que je pus prononcer un mot. « Il faut que je panse ta main. » Il me suivit auprès d'une table sur laquelle on venait de déposer tout ce qui m'était nécessaire, et s'assit vis-à-vis de moi. Je m'emparai de sa main qui tremblait autant que la mienne. Ses yeux se fixèrent sur moi. Je n'eus pas la force de les éviter une seconde fois. Je ne détournai pas les miens. Il vit assez ce qui se passait au fond de mon âme. À son tour, il saisit ma main et la pressa sur son cœur. Mes larmes devinrent si abondantes que je ne voyais plus ce que je faisais. Il passa un bras autour de moi et me dit à voix basse « Oh, Malarissa, comment est-il possible de renoncer à toi ?» Mon saisissement devint si fort que je ne pouvais articuler un seul mot, mais je parvins facilement à détourner son bras. Il céda à mon premier mouvement pour me dégager. La présence de Démétrius, l'idée qu'il pouvait nous avoir vus, m'anéantit. Je me retournai. Heureusement, il était placé du côté opposé. Agathoclès me comprit. Il recula un peu. Son regard se fixa sur la terre. Il me tendit sa main blessée et j'achevai le pansement. « Souffres-tu encore beaucoup ?» lui demandai-je alors. « Les douleurs ont cessé, » me répondit-il. « Tu m'as guéri. » Son regard me fit assez comprendre le sens de ses paroles. Il serra encore une fois ma main et sortit précipitamment. Je rangeai aussi promptement que possible mes instruments, mes ligatures, et je me retirai afin de me remettre pendant quelques instants d'une si grande émotion avant de revenir auprès de Démétrius. « Quelles larmes brûlantes, et cependant bien douces !» je répondis encore. « Cette scène ne sera pas la dernière de ce genre, et je ne vois nulle part de secours contre la faiblesse de mon cœur. » Démétrius, dont les principes sur les devoirs des femmes sont très sévères, accoutumé d'ailleurs à une foule de soins qu'il n'aime pas à recevoir de ses domestiques, exige absolument que je l'accompagne tant que ma sûreté personnelle ne courra aucun danger. J'ai cherché à le dissuader. J'ai feint des craintes que je n'avais pas, mais la véhémence avec laquelle il m'a répondu m'a prouvé que je ne puis, sans l'offenser cruellement, résister à sa volonté et le quitter. Je n'ose y penser. Je connais par expérience les suites de sa colère, et je sais que mon premier devoir est de lui obéir, de le soigner. J'ai juré obéissance au pied des autels, mais n'ai-je pas juré aussi fidélité entière? Ah, Jonia, que devenir? Je reste, avec le pressentiment que bientôt j'en serai la victime. Déjà deux fois, j'étais réveillé au milieu de la nuit par un bruit effroyable. Un officier est entré dans ma chambre sans être annoncé, pour m'ordonner, de la part de Démétrius, de tout disposer pour partir dans une heure avec mes gens. L'ennemi s'avançait. Démétrius était allé à sa rencontre, et le temps trop court pour connaître l'issue du combat ne me laissait que le soin urgent de penser à ma sûreté. J'étais si effrayé que je pouvais à peine donner les ordres nécessaires. Démétrius et Agathoclès n'étaient-ils pas en danger? Chaque instant ne pouvait-il pas me priver de l'un des deux? Enfin, après avoir tout préparé, et dans l'attente des ordres pour partir, j'entendis des cris de joie et le son de nos trompes annonçant le retour de nos guerriers. Cette fois, le danger s'est écarté de moi. Mais puis j'y comptais toujours. Oh, Junia, quel surcroît cruel à mes maux! Avoir à trembler pour ceux qui me sont si chers, n'est-ce pas le plus grand de tous? Adieu, écris-moi, plains-moi, et raffermis mon courage.